Job chapitre 39. Chasseras-tu de la proie pour le vieux lion, et rassasiras-tu les lions ceux qui cherchent leur vie? Quand ils se tapissent dans leurs antres, et qu'ils se tiennent dans leurs forces aux aguets? Qui est-ce qui apprête la nourriture aux corbeaux, quand ces petits crient aux dieux forts, et qu'ils vont errants, parce qu'ils n'ont point de quoi manger? Sais-tu le temps auquel les chamois des rochers font leurs petits? As-tu observé quand les biches faonnent? Compteras-tu les mois qu'elles achèvent leur portée, et sauras-tu le temps auquel elles feront leurs petits, et qu'elles se courberont pour mettre bas leurs petits, et qu'elles se délivreront de leur douleur? Leurs fonds se portent bien, ils croisent dans les blés, ils s'écartent, et ne retournent plus vers elles. Qui est-ce qui a laissé aller libre l'âne sauvage, et qui a délié les liens de l'âne farouche, auquel j'ai donné la campagne pour maison, la terre inhabitée pour ses retraites? Il se rit du bruit de la ville, il n'entend point les clameurs de l'exacteur. Les montagnes qu'il va épier en çà et là, sont ses pâturages, et il cherche toutes sortes de verdure. La licorne voudra-t-elle te servir, ou demeurera-t-elle à ta crèche? Liras-tu la licorne avec son lit coup pour la bourrée, ou romperas-t-elle les modes des vallées après toi? T'assureras-tu d'elle, parce que sa force est grande, et lui abandonneras-tu ton travail? Te fieras-tu qu'elle te porte ta moisson, et qu'elle l'amasse dans ton air? As-tu donné au paon ce plumage qui est si brillant, ou à l'autruche les ailes et les plumes? Néanmoins elle abandonne ses œufs à terre, et les fait chauffer sur la poussière. Et elle oublie que le pied les écrasera, ou que les bêtes des champs les fouleront. Elle se montre cruelle envers ses petits, comme s'ils n'étaient pas à elle, et son travail est vain, sans qu'elle craigne rien pour eux. Car Dieu l'a privée de sagesse, et ne lui a point donné d'intelligence. À la première occasion elle se dresse en haut, et se moque du cheval et de celui qui le monte. As-tu donné la force au cheval, et as-tu revêtu son cou d'un hennissement éclatant comme le tonnerre? Feras-tu bondir le cheval comme la sauterelle? Le son magnifique de ses narines est effrayant. Il creuse la terre de son pied, il s'égare en sa force, il bat à la rencontre d'un homme armé. Il se rit de la frayeur, il ne s'épouvante de rien, et il ne se détourne point de devant l'épée. Il n'a point peur des flèches qui sifflent tout autour de lui, ni du fer luisant de la hallebarde et du javelot. Il creuse la terre, plein d'émotion et d'ardeur au son de la trompette, et il ne peut se retenir. Au son bruyant de la trompette, il dit « Ah, ah !» Il flaire de loin la bataille, le tonnerre des capitaines et le cri de triomphe. Est-ce par ta sagesse que l'épervier se remplume, et qu'il étend ses ailes vers le midi? Sera-ce à ton commandement que l'aigle prendra l'essor, et qu'elle élèvera sa nichée en haut? Elle habite sur les rochers, et elle s'y tient, même sur les sommets des rochers et dans des lieux forts. De là elle découvre le gibier, ses yeux voient de loin. Ses petits aussi sucent le sang, et où il y a des corps morts, elle y est aussitôt. L'Éternel prit encore la parole, et dit. Celui qui conteste avec le Tout-Puissant, lui apprendra-t-il quelque chose? Que celui qui dispute avec Dieu, réponde à ceci. Alors Job répondit à l'Éternel, et dit. Voici, je suis un homme vil, que te répondrai-je? Je mettrai ma main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, mais je ne répondrai plus, j'ai même parlé deux fois, mais je n'y retournerai plus.